Troisième mémoire sur l'instruction commune pour les hommes. Première partie sur l'instruction commune pour les hommes. Petit 1, objet de cette instruction. Je suppose qu'un homme ait reçu une éducation complète et qu'il en ait profité. Elle lui a donné le goût et l'habitude de l'application. Ses connaissances dans les diverses parties des sciences sont assez étendues pour qu'il puisse cultiver à son choix et son maître celle qu'il veut appliquer à ses besoins ou vers laquelle sa curiosité l'entraîne. Qu'il s'occupe de l'éducation de sa famille, des détails d'une administration domestique, qu'il se livre aux travaux nécessaires pour se rendre plus digne des fonctions auxquelles il peut être appelé, ou qu'il se contente d'examiner, de suivre, soit les projets proposés pour l'utilité commune, soit les opérations des divers pouvoirs établis par le peuple, que son goût le porte à ne travailler qu'à perfectionner sa raison, à remplir par des plaisirs dignes d'un être pensant le vide de sa vie, je le vois s'entourer de livres, chercher à connaître les hommes éclairés, rassembler autour de lui les productions les plus curieuses et les plus utiles du pays qu'il habite, vouloir connaître quelles vérités ont répandu un jour plus égal et plus pur sur les ombres qui nous environnent encore, quelles nouvelles applications des sciences en ont agrandi l'utilité, quelles inventions ont ajouté à la perfection des arts, quel avantage local il peut en retirer, quel esprit influe sur la composition des lois ou préside aux opérations du gouvernement, vers quel but marche la puissance publique, quels principes la guident ou quels intérêts menacent de la corrompre. Or, ce que cet homme éclairé, actif, animé du désir de savoir ou du besoin de penser, ferait pour lui-même, l'instruction publique préparée aux hommes doit le faire pour tous. Elle doit offrir un guide et un appui à celui qui manque de lumière ou de force pour avancer seul dans la carrière, rapprocher les moyens de s'instruire de celui que la nécessité en retient éloigné, les faciliter pour celui dont l'activité languissante ou la faible raison se rebuterait des premières difficultés. Au milieu du choc des passions et des intérêts, pendant que le génie déploie son activité, que l'industrie multiplie ses efforts, elle veillera sur cette égalité précieuse. Premier bien de l'homme civilisé, elle distribuera d'une main sage et équitable les dons que la nature a semés au hasard. Réglée comme tout autre sur les besoins les plus généraux, elle aura principalement pour objet petit 1, les connaissances politiques, petit 2, la morale, petit 3, l'économie domestique et rurale, petit 4, les parties des sciences et des arts qui peuvent être d'une utilité commune, petit 5, enfin, l'éducation physique et morale. L'instruction politique ne doit pas se borner à la connaissance des lois faites, mais s'étendre à celle des principes et des motifs des lois proposées. Il faut non seulement que chaque homme soit instruit des nouvelles lois qui sont proposées ou promulguées, des opérations qui s'exécutent ou se préparent dans les diverses branches de l'administration, qu'il soit toujours, en quelque sorte, au courant de la législation sous laquelle il doit vivre. Il faut de plus que si l'on agite des nouvelles questions politiques, si l'on cherche à fonder l'art social sur de nouveaux principes, il soit averti de l'existence de ces questions, des combats d'opinion qui s'élèvent sur ces principes. Comment, en effet, sans cette instruction, pourrait-il connaître et les hommes par qui sa patrie est gouvernée et ce qu'elle doit en attendre, savoir quel bien ou quel mot on lui prépare à lui-même ? Comment sans cela une nation ne resterait-elle pas divisée en deux classes, dont l'une, servant à l'autre de guide, soit pour l'égarer, soit pour la conduire, en exigerait une obéissance vraiment passive, puisqu'elle serait aveugle? Et que deviendrait alors le peuple, sinon un amas d'instruments dociles que des mains adroites se disputeraient pour les rejeter, les briser ou les employer à leur gré? Je n'ai point la prétention de vouloir changer en publiciste les 24 millions de citoyens actifs qui, réunis sous une loi commune, veulent être libres de la même liberté. Mais dans cette science, comme dans toutes les autres, quelques heures d'attention suffisent souvent pour comprendre ce qui a coûté au génie des années de méditation. D'ailleurs, on aurait soin, dans cette instruction, de rapporter aux droits de l'homme toutes les dispositions des lois, toutes les opérations administratives, tous les moyens comme tous les principes. La déclaration des droits serait l'échelle commune à laquelle tout serait comparé, par laquelle tout serait mesuré. Dès lors, on n'aurait plus besoin de ces connaissances étendues, de ces réflexions profondes, souvent nécessaires pour reconnaître l'intérêt commun soumis l'intérêt opposé qui le déguise. Ainsi, en ne parlant aux hommes que de ces droits communs à tous, dans l'exercice desquels toute violation de l'égalité est un crime, on ne leur parlera de leurs intérêts qu'en leur montrant leurs devoirs, et toute leçon de politique en sera une de justice. L'instruction morale doit avoir pour but de fortifier les habitudes vertueuses et de prévenir ou de détruire les autres. La morale ne doit pas se borner uniquement à des préceptes. Il faut accoutumer les hommes à réfléchir sur leurs propres actions, à savoir les juger d'après ces préceptes. Il faut, sinon perfectionner, du moins conserver en eux le sens moral qu'ils ont reçu de la nature et que l'instruction a développé. La plupart des hommes ne trouvent dans la vie commune que des devoirs simples, journaliers, faciles à remplir, et leur sens moral s'affaiblirait si, en mettant sous leurs yeux les actions des autres hommes, on n'exerçait point, par les mouvements qu'ils excitent en eux, par les jugements qu'ils sont alors forcés de faire, ce sentiment intime si prompt, si délicat dans ceux qui l'ont cultivé, si lent, si grossier dans presque tous les autres. Ces exemples s'attachent à chaque précepte, le gravent dans la mémoire à côté d'eux, en deviennent, en quelque sorte, le développement et la preuve. Combien d'ailleurs ne serait-il pas à craindre que des hommes simples ne prissent, même à leur insu, des habitudes vicieuses parce que le peu d'importance de leurs actions monotones et presque toujours irréfléchies ne leur permettrait pas de sentir en quoi elles s'écartent des principes qu'ils ont reçus? Ne serait-il pas plus dangereux encore qu'ils ne s'égarassent si, quelques circonstances les entraînant au-delà du cercle étroit de leurs habitudes, ils se trouvaient obligés de se créer, en quelque sorte, une règle pour ces actions extraordinaires? Comment alors se défendraient-ils contre la séduction? Comment résisteraient-ils à ceux qui voudraient les conduire au crime au nom de Dieu ou de la patrie, les mener au brigandage au nom de la justice, à la tyrannie au nom de la liberté ou de l'égalité, à la barbarie au nom de l'humanité? Pour remédier au premier de ces dangers, rien ne serait plus utile que de faire contracter à ceux-mêmes qui réfléchissent le moins l'habitude de juger de leurs propres actions, de travailler à les régler sur les principes de la morale, de chercher à se perfectionner eux-mêmes. Et pour cela, il faudrait donner en quelque sorte à cette habitude une marche technique. Quoique les principes de la morale monastique n'aient été ni purs, ni justes, ni élevés, cependant, la longue attention qu'un grand nombre d'hommes placés à la tête des monastères ont été obligés de faire successivement sur l'instruction morale des individus confiés à leurs soins et soumis à leur autorité, l'importance que ces mêmes hommes attachaient à dominer les opinions et les sentiments encore plus que les actions, ont dû, à la longue, leur faire naître des idées utiles à leurs projets, et qu'on peut employer avec succès pour des vues plus grandes et plus désintéressées. Tel est l'usage d'un examen de conscience habituel destiné à faciliter les progrès de la vertu en montrant ou ce que l'on a fait ou les obstacles qui les ont retardés. Cette idée peut être applicable jusqu'à un certain point à la masse entière de la société. Il serait facile de former un tableau simple et raisonné des actions bonnes et mauvaises vers lesquelles on est porté par les circonstances communes de la vie en plaçant à côté de chacune les motifs qui doivent déterminer à l'éviter ou à la faire, en indiquant le principe de morale auquel elle se rapporte, les suites qu'elle peut entraîner. Ce tableau ne renfermerait pas les violations graves, réfléchies, des règles de la morale, mais les petites atteintes qu'on s'accoutume à y porter, les habitudes qui y conduisent, les imprudences qui y exposent. En se rappelant une telle action, on verrait quel principe la condamne, et en lisant ce principe, l'action par laquelle on l'a violée viendrait se replacer dans la mémoire et troubler la conscience. Car le tableau devrait être disposé de manière à pouvoir remplir ce double objet avec une égale facilité et donner une réponse à ces deux questions. Parmi les actions que j'ai faites, n'en est-il aucune que je doive me reprocher et quel reproche mérite-t-elle? Parmi ces principes de morale pratique, n'en est-il aucun que j'ai violé? Pour remédier au second inconvénient, pour offrir aux hommes peu éclairés un guide qui n'eut jamais intérêt de les gouverner ou de les tromper, on pourrait aussi former des principes de la morale un tableau analytique, tel qu'un homme qui chercherait à juger les actions qu'il lirait, qu'il entendrait raconter ou dont il serait témoin, qui voudrait connaître quelle doit être sa conduite dans une circonstance donnée ou apprécier un conseil qu'il aurait reçu, y trouva aisément la solution des difficultés que cette décision peut offrir. Ce tableau aurait de même un double objet. Sous un point de vue, il renfermerait le système méthodique des règles de la morale. Sous un autre, celui des diverses classes d'accueil auxquelles ces principes se rapportent. Au moyen de ces tableaux, un homme pourrait, sans une grande habitude de réflexion et avec l'instruction la plus commune, faire des progrès dans la morale pratique, suppléer aux lumières qui lui manquent et en acquérir de nouvelles machinalement et presque sans travail. Ces tableaux différeraient entre eux en ce que l'un contiendrait surtout les principes essentiels de la morale, l'autre les règles de conduite qui en sont la conséquence. L'un se rapporterait aux actions graves, importantes, l'autre aux habitudes, aux détails de la vie commune. L'un montrerait le rapport des actions avec la règle du droit, l'autre avec leurs conséquences pour la moralité de celui qui les fait. L'un apprendrait à juger les actions à prononcer entre deux conduites opposées, l'autre à reconnaître les effets d'une habitude pour les prévenir ou en profiter. Utilité et difficulté de substituer dans l'économie rurale à une routine aveugle, une pratique éclairée par l'observation. L'économie rurale n'est, en général, que l'application de ce que l'expérience a fait connaître de plus certain, de plus profitable, sur les procédés de l'agriculture et de l'éducation des bestiaux. Cette expérience se réduit presque partout à d'anciens usages que l'on suit, non parce qu'ils sont les meilleurs, mais parce qu'ils conduisent d'une manière presque sûre à tirer de son exploitation le produit sur lequel on a fait ses arrangements antérieurs. On donne tant pour l'acquisition d'une terre, pour sa location, parce que l'on sait que cette terre exploitée avec un peu plus, un peu moins de soin et en suivant la méthode usitée, coûtera tant de frais de culture et produira une récolte donnée. Ainsi, ces combinaisons économiques n'ayant elles-mêmes été faites que d'après les usages établis, leur succès ne prouve pas la bonté de ces usages. L'homme qui cultive bien est celui qui recueille 5 pour 1, tandis que son voisin ne recueille que 4,5, ou celui qui, donnant d'une terre égale autant qu'un autre fermier, en retire un profit plus grand. Mais cette supériorité ne prouve pas qu'avec une méthode moins imparfaite, il n'eût pas recueilli 8 pour 1 de cette terre, qu'il n'eût pas retiré un intérêt plus grand de ses avances. D'ailleurs, si une manufacture acquiert un degré de perfection de manière à pouvoir donner des choses d'un service égal à un plus bas prix ou d'un service meilleur à un prix égal, elle détruit les autres manufactures qui ne peuvent soutenir sa concurrence parce qu'elle-même peut étendre son travail presque indéfiniment. Mais dans l'agriculture, le terme qu'on peut atteindre est presque toujours, surtout dans les premiers moments, très près de celui dont on est parti. Les augmentations sont proportionnelles à l'étendue du territoire de ceux qui ont adopté les méthodes nouvelles. Et jusqu'au moment où elles commencent à devenir générales, ceux qui les ont dédaignées n'éprouvent qu'une perte peu sensible et n'ont qu'un faible intérêt à sortir de leur routine. Il y a donc peu d'art qui ait autant besoin de se perfectionner et qui demande davantage que la pratique en soit fondée sur des observations suivies et sur des expériences bien faites. Si, en général, on ne s'y conduit que par une routine aveugle, si l'intérêt d'augmenter sa fortune l'emporte difficilement sur l'habitude, si, comme il serait facile d'en citer des exemples, celui-même de la conservation de la vie ne peut en triompher, c'est encore moins par préjugé ou par paresse que par l'incertitude de l'utilité des innovations. Un homme peu éclairé, incapable de distinguer une vérité prouvée par l'expérience d'une rêverie annoncée avec une audacieuse importance, doit regarder toute innovation comme un véritable jeu de hasard dans lequel il ne veut risquer ni sa subsistance, ni même une partie de sa fortune. Cette prudence n'est donc point de la stupidité, car la grande probabilité du succès peut seule justifier des tentatives quand ce n'est pas la curiosité qui y consacre une partie du superflu. Le défaut d'instruction est donc la véritable cause du peu de progrès de l'agriculture et on ne se plaindra plus de cette haine trop commune pour les nouveautés lorsqu'on aura instruit les hommes à les apprécier. Mais ils aimeront à rester à leur place tant qu'ils ne pourront marcher que dans les ténèbres. S'il est utile de les instruire des nouvelles découvertes, il ne l'est pas moins de leur en exposer les détails de manière qu'ils puissent juger eux-mêmes de l'étendue et de la certitude du succès. De leur apprendre comment, par des preuves en petit, ils s'assureront que des circonstances locales n'en rendent point l'application difficile ou douteuse. La méthode d'exposer une découverte n'est pas la même pour le savant auquel on veut la faire connaître et pour le praticien qui doit l'employer. Ce dernier n'a besoin de connaître que les moyens et les résultats. L'autre veut surtout savoir comment ces moyens ont opéré, comment les résultats ont été produits. L'exactitude pour l'un s'arrête au point où elle cesse d'être utile. Pour l'autre, elle s'étend jusqu'où les instruments ou les calculs peuvent atteindre. Et tandis que les considérations de la dépense, du temps, des difficultés à vaincre disparaissent pour le savant, elles sont tout pour le spéculateur. Cette différence sera plus grande encore tant qu'une instruction plus générale n'aura pas rapproché la langue des savants et la langue vulgaire. Il est important d'établir une communication rapide de lumière entre les hommes qui s'occupent de ce premier des arts. La nature de leurs travaux les attache au sol où ils l'exercent. Ils ne peuvent, sans des secours étrangers, éclairer leur pratique que par les observations faites autour d'eux. Les expériences qui dépendent de la marche des saisons, de l'ordre des productions naturelles, sont lentes et difficiles à multiplier ou à répéter. Il faut, enfin, que les habitants d'une étendue de terrain, soumise à peu près au même climat, connaissent la différence des méthodes qui sont en usage, des produits qu'on y cultive, des préparations qu'on leur donne, des usages auxquels on les emploie, des débouchés qui leur sont offerts, afin de pouvoir distinguer ce qui, dans ces différences, appartient à la nature et ce qui n'est que l'effet des habitudes, des opinions, des lois établies. C'est par la réunion de ces moyens que, sans dépenses et sans contraintes, on parviendra peu à peu à faire porter par chaque terre tout ce qu'elle peut produire de plus utile, soit à celui qui la cultive, soit à celui qui en consomme les productions. Car cet intérêt est le même. Et si l'on peut quelquefois les trouver dans une opposition apparente, ce mal a toujours pour cause quelque loi prohibitive, quelque atteinte portée à la liberté dans les lieux plus ou moins voisins, à une époque plus ou moins éloignée. Le mal que produisent de telles lois marche rapidement à la suite, tandis que le bien opéré par la liberté se fait avec lenteur. L'un est l'effet instantané du découragement qui cède à la force et gémit en silence sous le bras oppresseur de la nécessité, l'autre, l'ouvrage toujours lent de l'industrie, et le fruit tardif de longues épargnes. On doit joindre à l'économie rurale cette partie de la médecine humaine ou vétérinaire qui veille à la conservation des individus, éclaire sur le régime qu'ils doivent suivre, sur les dangers dont il faut les préserver, celle qui enseigne à traiter les incommodités légères, à panser les petites blessures, celle, enfin, qui indique les premiers moyens qu'il faut opposer aux accidents imprévus, connaissances nécessaires à ceux qui ne peuvent être assurés de trouver à l'instant même des secours éclairés. Ici, la philosophie doit balancer les inconvénients de l'ignorance absolue, les erreurs d'une connaissance imparfaite et les dangers, plus grands encore, des préjugés qui en tiennent la place. Elle doit supprimer des conseils salutaires quand une application maladroite les rendrait funestes, mais les donner, s'ils peuvent servir à détruire des pratiques fondées sur l'ignorance, est plus dangereuse en elle-même que par les erreurs de l'application. L'instruction commune doit comprendre les découvertes dans les sciences et les arts lorsqu'elles sont d'une utilité générale. Parmi les découvertes dans les sciences et dans les arts, il en est sans doute qui n'intéressent que les savants ou les artistes, mais il en est d'autres dont l'influence plus immédiate s'étend sur la société entière. Il importe à tout homme de savoir que les produits des arts dont il fait un usage habituel ont acquis un nouveau degré, soit de solidité, soit de bonté, ou que, préparés avec des moyens plus simples, ils doivent baisser de prix. De connaître les produits nouveaux qu'il peut employer à ses besoins, d'être instruit sur des vérités qui peuvent l'éclairer sur sa conservation, sur ses véritables intérêts, ou lui offrir des moyens de bien-être. Nécessité d'instruire les pères de famille sur l'éducation physique et morale. Enfin, il est nécessaire que les hommes reçoivent une instruction méthodique et suivie sur l'éducation physique et même morale des enfants. On peut placer l'ignorance des parents et leurs préjugés au nombre des causes qui dégradent l'espèce humaine, diminuent la durée de vie et surtout celle de l'âge pendant lequel l'homme, faisant plus que se suffire à lui-même, a du temps et des forces pour sa famille ou pour sa patrie. La durée moyenne de la vie humaine n'approche peut-être, dans aucun pays, un terme auquel la nature lui permet d'atteindre, et l'on peut regarder cette durée moyenne comme une échelle propre à mesurer avec assez d'exactitude le degré de force des qualités physiques, intellectuelles ou morales. Dans un climat semblable, elle pourrait encore servir à juger de la bonté des lois, mais lorsqu'on voit que dans un pays, sur un nombre donné d'hommes nés dans un même jour, il en subsiste encore la moitié après 40 ans, tandis que dans un autre, avant la fin de la troisième ou même de la seconde année, déjà plus de la moitié a cessé de vivre, et que dans le reste, le même poids se trouve placé à des hauteurs inégales entre ces deux extrêmes, lorsqu'il est évident que ces différences ne peuvent avoir pour cause unique ni celle du climat, ni celle du gouvernement, lorsqu'on observe que c'est surtout à la moralité de l'enfance qu'il faut les attribuer, on ne peut s'empêcher de voir combien le perfectionnement de l'éducation physique peut avoir d'influence sur la durée de la vie et que pour l'accroissement de la population, il importe moins de multiplier les hommes que de savoir les conserver. Ce changement, si important dans son effet général, ne le serait pas moins pour la prospérité particulière. Les enfants qui vivent sont une richesse pour les familles pauvres. Ceux qui meurent après avoir langui quelques années en sont la ruine. Pour l'homme, à qui son éducation a donné une constitution saine, le travail est un patrimoine. Il n'est, pour l'individu languissant et maladif, qu'une fatigue, un moyen de prolonger une existence pénible. L'un peut être heureux et libre sans rien posséder, l'autre est condamné à une dépendance dont à peine les richesses peuvent l'affranchir. À ces éléments d'éducation physique, on joindra quelques principes d'éducation morale propres à donner aux chefs de famille des moyens de diriger vers le bonheur, la sagesse et la vertu les habitudes que les enfants contractent à mesure qu'ils avancent dans la vie. Soumis, comme les hommes, à l'influence des impressions que font sur eux et les objets que le hasard leur présente et les discours qu'ils entendent et les actions dont ils sont témoins et les événements de leur vie, ils ne sont pas défendus par la force d'habitudes plus anciennes ou par ces intérêts plus puissants que leurs rapports dans la société n'ont pu encore leur donner. Ils doivent donc céder plus aisément à ces impressions, être plus inévitablement modifiés par elles. Si on les abandonne absolument au hasard, quand même on pourrait se flatter qu'ils conserveraient ces grands traits de bonté et de justice originelle, résultat nécessaire des lois de la nature, ne devrait-on pas craindre que ces traits ne perdissent au moins leur pureté ou leur ensemble, comme on voit souvent la régularité que la nature avait donnée à ceux du visage, s'altérer par l'effet des maladies de l'enfance, d'une nourriture plus ou moins saine, d'un travail forcé, et par l'influence de la température ou l'insalubrité du climat? On ne peut sans doute gouverner ici tous les événements et soustraire absolument ses habitudes à l'empire du hasard, mais on peut mettre à profit les événements, quels qu'ils puissent être. Tout ce qui est vraiment indépendant de la volonté humaine peut être utilement employé par une raison éclairée, excepté les mauvais principes qui naissent de la communication avec des hommes corrompus, tout peut être plié au vu d'une éducation bien dirigée. Les bienfaits de la fortune, comme ses revers, le calme et la santé, la tristesse ou l'excessive sensibilité qui accompagnent les souffrances, les avantages ou les désavantages personnels, donnent également les moyens de former le caractère et le sens moral. Les actions, les sentiments dont les enfants sont témoins, peuvent fournir des leçons utiles, soit qu'ils méritent d'être imités, soit qu'ils ne doivent inspirer que de l'indignation ou du mépris. Cette science d'employer ce qu'offre la suite des événements quand on ne peut les diriger à son gré doit, dans la pratique commune, se borner à un petit nombre de préceptes fondés sur l'observation et sur la connaissance de la nature. Et ces préceptes, développés par des exemples bien choisis, seront facilement mis à la portée des hommes les moins instruits. Je n'insiste point sur ce qu'on appelle les mœurs. Veut-on en inspirer, qu'on éloigne, au lieu de les fortifier, ces idées chimériques de pureté, ces sentiments d'une horreur machinale qui ne sont l'ouvrage ni de la nature ni de la raison, mais qu'on apprenne aux enfants que celui qui se fait un jeu des peines d'un autre ou en sacrifie le bonheur à ses fantaisies n'est qu'un homme dur et barbare qui, en plaisantant avec légèreté sur son crime, l'aggrave et ne l'excuse pas, que la mode peut absoudre, mais que l'humanité condamne. Faites en sorte qu'un acte d'inhumanité répugne, pour ainsi dire, à leur organisation. Ne les bornez pas à cette probité grossière qui ne respecte dans autrui que son argent. Qu'ils sachent que le soin de conserver les forces nécessaires pour remplir l'étendue de leurs devoirs en est un aussi réel, aussi sacré. Rallier d'un côté les mœurs à l'intérêt personnel en les présentant comme un régime nécessaire au bonheur, attachez-les de l'autre au grand principe de la morale. Si vous éloignez ensuite les enfants de l'oisiveté, si vous leur donnez le goût du travail, si vous faites naître le besoin de la bienveillance, de l'estime d'autrui et de la leur, alors soyez sûrs qu'ils auront des mœurs, et s'ils en manquent, ne désespérez encore ni de leur talent, ni même de leur vertu. Enseignement pour les hommes. L'enseignement de ces divers objets doit être établi d'après les connaissances acquises dans la première éducation. Ceux qui en ont parcouru les deux derniers degrés, et qui peuvent encore suivre, s'ils le veulent, les leçons des maîtres attachés aux diverses sciences particulières, seront en état de puiser leur instruction dans les livres. Il n'en est pas de même de ceux qui ont été bornés à l'instruction du premier âge. L'enseignement leur est encore nécessaire. On pourrait donc établir que le maître, chargé de cette première instruction, le serait en même temps de donner chaque dimanche une leçon où seraient admis les enfants sortis des écoles, les jeunes gens des deux sexes, les pères et les mères de famille. Car il faut encore ici bien se garder de séparer les hommes des femmes, de préparer à celles-ci une instruction plus bornée et d'abuser du nom de la nature pour consacrer les préjugés de l'ignorance et la tyrannie de la force. Une nation ne peut avoir d'instruction publique si les femmes ne peuvent y remplir les devoirs d'instituteurs domestiques. Et pourquoi exclurait-on de fonctions qui doivent employer un grand nombre d'individus et qui exigent une vie sédentaire précisément la moitié du genre humain à qui sa constitution physique en impose la nécessité et en donne le coup? Pour des hommes occupés, la plupart, de travaux corporels, le jour de repos peut être aussi un jour d'étude. Car le repos vraiment salutaire ne consiste pas dans la nullité absolue, mais dans le changement d'action. L'homme qui a travaillé toute la semaine un ouvrage pénible se délasse lorsqu'il exerce son esprit, comme le travail du corps reposerait le savant fatigué par de trop longues méditations. D'ailleurs, si par des motifs d'utilité, qu'il serait superflu de détailler ici, les hommes, au lieu de choisir arbitrairement leur moment de repos, sont convenus d'y consacrer le même jour et de l'assujettir à une période régulière, ce jour sera rempli tout entier ou par des affaires ou par des divertissements. Le besoin, une activité peu commune ou la nécessité de presser certains ouvrages pourront à peine forcer quelques hommes à travailler pendant que les autres se reposent et les retenir dans leurs ateliers lorsqu'ils entendent autour d'eux les accents du plaisir et de la gaieté. Destinons donc une partie de ces jours à des occupations instructives, car les affaires n'occuperont que le plus petit nombre. Un jour entier de divertissement finirait par l'ennui. L'ennui conduit à des habitudes dangereuses pour l'économie, pour la santé et pour la morale. Et c'est rendre à la société un véritable service que d'offrir librement aux hommes sages un moyen d'employer, d'une manière utile, le jour enlevé à leurs travaux ordinaires. Dans ces leçons, on présenterait une exposition raisonnée des dispositions principales de la Constitution et des lois pour en instruire ceux des enfants qui ne les connaissent pas encore et les rappeler aux autres. On leur exposerait en même temps les nouvelles lois qui seraient portées, les motifs donnés à ces lois. On leur développerait ce qui, dans les objets d'instruction dont on vient de tracer le plan, peut être mis à leur portée, ce que le temps leur permettrait d'apprendre. Comme enfin les enfants sont sortis des écoles dans un temps où on avait pu compléter pour eux l'enseignement de la morale, on achèverait alors cette instruction, et ce serait un moyen de la rappeler et à la jeunesse et aux hommes faits. Ne craignons pas l'ennui de ces leçons. Que l'instruction soit facile, et elle deviendra pour eux un plaisir. Ne jugeons pas ces hommes de la nature qui, au milieu de leurs occupations monotones, ne sentent pas le besoin d'être agités par des sentiments vifs ou occupés d'idées nouvelles, d'après le tourment que nous fait éprouver une activité qui consomme plus d'aliments qu'elle n'en peut rassembler. N'en jugeons point d'après notre dédain pour tout ce qui n'est que modestement utile. Croyons qu'ils peuvent trouver à apprendre des choses communes un plaisir qu'un retour de vanité ne corrompt point, que l'habitude d'impressions plus fortes n'a point émoussé. heureux par les seuls sentiments de la nature, satisfaits d'une nourriture grossière, leur corps, leur âme, leur esprit sont à l'unisson, et, en tout genre, des aliments simples suffisent à leurs désirs. La connaissance des moyens de s'instruire par les livres doit faire partie de l'enseignement. Il faudrait surtout leur apprendre à s'instruire par les livres. Dans quelque genre de science, la lecture, indépendamment de tout autre secours, suffit pour tout connaître. Telles sont les sciences mathématiques. Les maîtres peuvent faciliter le travail. La conversation des savants célèbres peut quelquefois faire naître des idées éclairées sur la marche du génie, sur quelques difficultés qui appartiennent aux derniers termes de la science. Mais cette utilité est presque insensible. Il n'en est pas de même des sciences physiques. Eût-on réuni dans les livres toutes les ressources que l'art du dessin ou même la peinture peut leur prêter, ceux qui n'auraient que ce moyen d'instruction n'y puiseraient que des connaissances très imparfaites, toujours vagues et souvent fausses. En général, les livres rendent rigoureusement toutes les idées abstraites, mais ils ne présentent les objets réels que d'une manière incomplète et pénible. Entre ces objets et la peinture que la parole peut en tracer, il reste toujours une différence que la seule habitude d'étudier tour à tour les choses et les livres peut faire disparaître. La description d'une machine ou d'une plante, le récit d'une expérience chimique, ne supplète à la vue ni de la machine, ni de la plante, ni de l'expérience, que pour ceux qui ont déjà des connaissances réelles dans la mécanique, dans l'histoire naturelle, dans la chimie. C'est donc pour eux seuls que le plan ou la description d'une machine est la machine même, que le récit de l'expérience, s'il est bien fait, en met sous les yeux les procédés et les résultats. Qu'enfin, l'idée de l'objet qu'ils n'ont pas vu peut être la même que celle qui, après l'avoir observé, leur serait restée dans la mémoire. Il faut dans ces différents genres qu'une instruction prise sur les objets mêmes ait précédé celle que les livres peuvent donner. Dans d'autres genres, il faut de plus apprendre à les lire. Quelque bienfait que soit un livre, il n'aura jamais qu'une demi-utilité si celui qui le lit ne sait pas comment trouver, dans un autre, un éclaircissement dont il a besoin, chercher un mot dans un dictionnaire, un objet dans une table, un lieu sur une carte, une époque sur un tableau chronologique, ou suivre une description sur une planche. Ce n'est pas tout encore. Peut-on répondre qu'un homme ne lira jamais que des ouvrages élémentaires qui ne renferment que des vérités ? Il faut donc lui apprendre à entendre aussi les autres livres, à en appliquer les raisonnements et les maximes, aux principes sur lesquels il a déjà arrêté son opinion, à ne prendre littéralement ni les figures de style ni les exagérations d'idées. Dans tout ce qui n'est ni métaphysique intellectuelle ou morale, ni calcul, ni fait naturel, on aurait peine à trouver des phrases qui n'eussent qu'un seul sens. Presque toujours, elles ont le double but d'exposer une proposition et de soutenir l'attention de l'homme à qui on l'expose, en excitant un sentiment, en présentant des images, en choisissant des expressions qui éveillent d'autres idées. Accoutumés à lire, habitués à des styles divers, ces accessoires nous amusent et nous intéressent, nous rebutent ou nous ennuient, mais ne nous empêche pas de saisir, sous l'enveloppe qui la couvre, la proposition qu'on veut nous faire entendre. Il n'en est pas de même de ceux qui n'ont pas cette habitude. Il ne serait pas difficile de faire un récit purement allégorique, ou changeant les noms, dénaturant les événements, faisant agir des êtres imaginaires, supposant des faits chimériques. On aurait cependant écrit une histoire réelle très claire pour un certain nombre de personnes, mais absolument inintelligible pour tous les autres, ou plutôt leur présentant soit un conte, soit, pourvu que le merveilleux y ait été ménagé, une histoire absolument disparate. Or, ce double sens, si sensible dans cet exemple, n'est pas moins réel dans la plupart des livres. Il existe entre les hommes, dont l'esprit est exercé, et les autres, la même différence qu'entre ceux qui ont ou qui n'ont pas la clé de l'allégorie. Comment donc s'instruire dans les livres si on n'a pas appris à les bien entendre? Les éléments très simples de ce qu'on appelle critique ne sont pas moins nécessaires. Il faut distinguer les caractères et les degrés de l'autorité que donne aux faits ou le genre des livres qui les renferment ou le nom des auteurs ou le style et le ton de l'ouvrage, ou, enfin, la nature même de ses faits. Il faut savoir se décider entre les témoignages opposés et pouvoir reconnaître quand l'accord de ces témoignages devient un signe de vérité. Le premier mouvement des hommes est de prendre littéralement et de croire tout ce qu'ils lisent comme tout ce qu'ils entendent. Plus celui qui n'a pas appris à se défendre de ce mouvement lira de livres, plus il deviendra ignorant, car on ne sait que des vérités et toute erreur est ignorance. La lecture n'apprendrait rien à un homme armé d'une défiance aveugle. Celui, au contraire, qui, résistant à cette impression, n'admet que ce qui est prouvé et demeure dans le doute sur tout le reste, ne trouvera dans les livres que des vérités.